De toute façon, on est sur toutes les positions de repli, on peut pas les perdre. Ils sont dans la nasse. Mais quelle nasse, il y a des trous partout dans ta nasse, c'est un vrai piège à con.